Fragile quand tes sanglots tout doucement se faufilent sous les assauts de nos regards si tranquilles. L'indifférence efface les joies légitimes de l'enfance. La nuit descend sur la ville comme tes sanglots, ils emportent leurs mots faciles dans un écho. Tout semble triste, si hostile dans ce silence que moi je n'ose imaginer ton enfance. Le monde s'endort sans un remords quand sur tes joues sans un remords.